Ce matin, nous commençons notre 19e chapitre du livre de l'Apocalypse. Finalement, nous arrivons à des moments plus heureux, plus réjouissants, parce que nous avons passé à travers les chapitres où est-ce que la destruction, la mort, la haine entre les hommes, mais la haine surtout contre Dieu. Et je crois que c'est là qu'il faut s'arrêter et penser aussi que les êtres humains vont s'aigrir de plus en plus contre Dieu et non pas s'humilier devant la toute-puissance de Dieu qui les terrasse. On a ce matin, dans notre texte qu'on va lire ensemble, un mot qui revient à plusieurs reprises. C'est le mot « Alléluia ». Ce mot « Alléluia » qui veut dire « Gloire à toi, Seigneur ». Le mot « Al » qui veut dire « Vanter », qui veut dire « Célébrer, louer, louange, glorifier d'une façon extravagante ». C'est vraiment le mot qui convient le mieux ici. Et le mot « Yah » qui vient du mot « Yahvé » qui veut dire « Loué soit Jéhovah, loué soit le Seigneur, loué soit l'Éternel. » Et ce que nous allons voir ce matin, c'est pourquoi les gens vont-ils louer Dieu? Lisons ensemble ce texte. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia ». Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ». Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alors, adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. » Quel merveilleux texte. Un texte qui appelle à la joie. Un texte qui appelle à la... à la réjouissance. Et ce matin, nous voyons que quand nous allons être dans le ciel, ça va être un temps de réjouissance et surtout, et uniquement, je dirais plus, toute chose sera faite pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons ici qui crie « Alléluia » Qui sont-ils ces gens-là? Je crois qu'au verset 1, on nous parle des anges. Cette grande foule-là, je crois que c'est les anges. Parce qu'on va voir un peu plus bas, une autre grande foule. Les anges ont toujours été des gens qui louent Dieu. Nous le voyons dans tout l'Ancien Testament. Et les psaumes sont remplis de passages où ce qu'on dit, « Louez-vous corps céleste, louez-vous les armées des cieux, louez, louez, louez. » Et David appelle Le monde angélique a loué Dieu. Et nous voyons un peu partout dans le Nouveau Testament, quand Jésus est sur la terre et à sa naissance, on voit les gens qui chantent la gloire de Dieu. Et on voit aussi dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, les anges qui louent et glorifient Dieu. Ensuite, nous voyons les 24 béats et les 4 êtres vivants. Je crois que c'est encore parmi les anges. Et on voit au verset 6, la foule des croyants. Louez Dieu, vous, serviteurs de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, serviteurs de Dieu, n'oublions pas ça. Nous ne sommes pas là pour être servis, mais pour servir. Quand j'étais jeune, on jouait à se parler entre nous, les frères et sœurs, et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire du ciel? Qu'est-ce qui va se passer dans le ciel? Et on faisait toutes sortes de plans, plus ou moins imaginables et possibles. Et on disait, ah, au ciel, on va faire ceci, on va demander à Dieu qu'il nous donne cela. Et savez-vous ce que c'était? C'était continuellement, Dieu était pour nous donner, Dieu était pour faire quelque chose pour nous. Dieu était pour faire, finalement, nous donner tout ce qu'on aurait voulu avoir sur la terre, mais qu'on n'a pas eu. C'était complètement égocentrique. Dans le ciel, on avait la même compréhension que sur la terre. Dieu était là pour nous servir. Mais ceci est archi-faux, archi-faux. Voyons maintenant voir pourquoi ces gens louent Dieu. On va voir quelques raisons ici. Pourquoi les gens louent Dieu dans le ciel? Pourquoi nous, on va louer Dieu pour l'éternité? Premièrement, il dit au verset 2 et 3, « Car il a jugé la grande prostituée. » On a vu au chapitre 17 et 18, on a rencontré cette femme prostituée. Cette prostituée, cette femme qui était la cause de toutes les débauches spirituelles de l'histoire de l'humanité. Cette femme qui était appelée la Grande Babylone, celle qui avait fait alliance avec les bêtes, celle qui avait fait alliance indirectement avec le diable, cette mère de tous les prostituées, comme Jean l'a appelé, il l'a jugée, il l'a condamnée, il l'a détruite. Dieu, faisant cela, fait justice à ses serviteurs. Lisons ensemble une parabole de Jésus qui a été, je dirais, bien mal compris. En tout cas, mon idée personnelle, bien mal compris. Jésus leur adressa une parabole, c'est dans Luc 18, verset 1, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Si elle demande, « Fais-moi justice », est en train de dire, « Il y a quelqu'un qui m'a fait du tort, et j'ai raison de ce que je demande, et je demande de me faire justice, en tant que juge. » Mais malheureusement, elle est tombée chez un juge inique ou injuste. Pendant longtemps, elle refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. En québécois, je vais lui donner ce qu'elle veut afin qu'elle ne vienne plus m'écœurer. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour comprendre cette parabole, je crois qu'il faut comprendre le contexte. À partir du chapitre 17, et jusqu'à la fin ici, il parle du retour du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre. Et il dit au chapitre 17, on va vous faire la guerre, on va vous persécuter, on va vous haïr, vous serez haïs de toutes les nations. On va commettre envers vous des injustices. Vous allez désirer que je fasse de quoi. Mais il dit, je ne le ferai pas tout de suite. Mais un jour, je vais vous faire justice. Et le chapitre 19, c'est l'accomplissement ici. On va le voir la semaine prochaine. Et Dieu va dire, ainsi, je vous ai fait justice. Dieu juge ou venge les serviteurs de Dieu. Dans Apocalypse 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » C'est pour ça que Dieu dit dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ce n'est pas nous qui devons nous venger, mais le Seigneur dit, « Moi, je vais vous venger un jour. » Attendez, laissez-moi. Continuez à avoir foi en moi. Continuez à prier et à vous attendre à moi. Moi, un jour, je vais vous faire justice. Dans Luc 21, 22, c'est marqué, « Car ce seront des jours de vengeance. » Dans Isaïe 63, verset 4, c'est marqué, « Car un jour de vengeance était dans mon cœur. » Dans Deutéronome 32, 43, « Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs et se venge de ses adversaires. » Et on va voir que le jugement, et ce jugement va être éternel, car au verset 3, c'est un jugement qui c'est le dernier. Cette femme-là ne reviendra plus, ne réapparaîtra plus dans l'histoire. Ça, c'est la première raison. Le ciel va crier des louanges et Alléluia, Seigneur, parce qu'il a finalement détruit cette prostituée qui s'abreuvait du sang des serviteurs de Dieu, qui maltraitait les serviteurs de Dieu. Et Dieu disait, si tu touches un de mes enfants, donc on ne peut pas penser, s'attaquer au peuple de Dieu et que Dieu ne fera rien. On fait la même chose nous-mêmes, n'est-ce pas? Si quelqu'un ferait du mal à nos enfants, on va réagir tout de suite. Deuxième raison. Car Dieu est entré dans son règne. On pourrait dire, mais Dieu règne déjà. Pourquoi tu dis ça, qu'il va rentrer dans son règne? Je pense que l'auteur est en train de vouloir nous dire qu'il va passer à l'action et ça va être un règne parfait, un règne sans péché, un règne sans ennemis. C'est un règne de paix. Il dit l'Apocalypse 1:8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. » Dieu entre dans son règne et nous allons faire partie. C'est pour ça qu'il était venu, puis il a dit, « Je vais établir le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Dieu est le roi, nous sommes les sujets. Dieu établit un règne où il va régner sur ses enfants, régner sur sa création. Un règne parfait, un règne d'amour, de paix, de justice. Dieu est capable de faire, parce qu'il est appelé dans ce texte-là, le Dieu Tout-Puissant. Il y a plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Dieu est appelé le Tout-Puissant. Laissez-moi vous lire quelques textes. Apocalypse 4, 8, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, ils se sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Dans Apocalypse 11, 17, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans Apocalypse 12, 10, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu. C'est pas tout puissant qui est marqué, mais et la puissance et la règne de notre Dieu. Donc Dieu est appelé le roi tout puissant. Donc il est capable d'entrer dans son règne parce qu'il est le tout puissant. Régner. On a chanté à quelques reprises ce matin qu'il est le roi. Un roi, ça règne. Et la question, je parlerai, s'il ne règne pas sur nous aujourd'hui, il ne règnera pas sur nous dans l'éternité non plus. si nous ne faisons pas partie de son royaume maintenant, on ne fait pas partie de son royaume plus tard non plus. Qu'est-ce que ça veut dire quand il règne sur nous? Quand tu règnes sur nous. Des fois, j'ai l'impression que quand on écoute nos vies de prière, quand on écoute nos rêves, nos ambitions, quand on écoute notre relation avec Dieu, maintenant, des fois, si on n'essaie pas de régner sur lui. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la différence entre nous et les fausses religions du monde, c'est que nous sommes là pour servir Dieu et non pas pour se faire servir par Dieu. Si on est là pour se faire servir par Dieu, on fait juste comme toutes les religions du monde, qui ont un Dieu ou des dieux, et ils leur font toutes sortes de prières, leur font toutes sortes d'offrandes, afin d'obtenir de leur Dieu ce qu'ils veulent avoir, une vie prospère. Quand les noces de l'agneau sont venues, troisième raison. Première raison, c'était quoi? Il a jugé la grande prostituée. Il a vengé ses enfants. Deuxième raison, Dieu entre dans son règne. Troisième raison, car les noces de l'agneau sont venues. Nous sommes versets 7, 8 et 9. Vous savez comme moi que la joie est de mise le jour des noces. Une noce, c'est de la joie. Et à plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus parle de sa venue ou de son retour comme un temps de noces. L'époux, les vierges. Hein? À plusieurs reprises, il parle de noces, d'habits et tout cela. Un jour, on a dit, Jésus a dit aux pharisiens, après que les pharisiens aient demandé à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Le jeûne était égal à la tristesse. Il dit, ils ne peuvent pas jeûner car l'époux est avec eux. C'est les noces. Je suis ensemble, je suis avec ma fiancée qui est l'Église. On ne peut pas jeûner pendant les noces. L'Église, ce n'est pas une histoire de jeûne, c'est une histoire de joie. C'est une histoire de joie. Et on se prépare à nos noces. Oh, que le Seigneur puisse nous aider à mieux comprendre que nous sommes dans la joie. Il dit que pas les noces, mais il faut avoir un habit spécial. Et cet habit spécial, c'est une robe de fin lin. Il parle que cet habit de félin va être acquéri par les œuvres. Quelles sont ces œuvres? L'épouse est revêtue de félin. Que sont les œuvres des justes? Encore une fois, on se demande quelles sont ces œuvres? La foi, la persévérance, la crainte de Dieu? Je crois que oui. On ne parle pas ici des œuvres de Sœur Teresa ou du cardinal Léger ou de Mahomet ou de Bouddha ou de Krishna ou de Gandhi. On ne parle pas des œuvres de ces hommes et ces femmes qui ont vécu avec les pauvres, qui ont donné de l'argent, qui sont morts martyrs, qui vont dans le tiers-monde, qui vont. C'est pas Médecins sans frontières. Tout ces choses-là, c'est correct. C'est tout bien d'aller aider les gens. C'est tout correct. Mais c'est pas ça qu'on parle. On ne parle pas de ça ici. Si c'est ça, on gagnerait notre robe blanche. Dans nos œuvres. Et la robe blanche ici, le fin lin pur, on sait très bien que ça représente la pureté spirituelle. Et tout au long de l'Apocalypse, on parle de cette robe blanche. À celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches. Apocalypse 7, 13, un des vieillards prit la parole, me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils? Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. » Et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pas les œuvres qui blanchissent les robes. Et dans Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Vous savez, toutes ces robes blanches sont là à cause des œuvres. Quelques reprises, Jésus a dit, pendant qu'il était vivant, que ceux qui n'avaient pas cette robe ne pouvaient pas entrer. Le roi entra pour voir ceux qui étaient assis à la table. Je suis en train de lire dans Matthieu 22, 11, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Vous savez, mes frères et sœurs, ici, si tu n'as pas la robe de fin lin blanc, tu ne peux pas être avec Dieu dans l'éternité. Et cette robe, il dit que elle était donnée à cause des œuvres des justes. Et je crois personnellement que l'œuvre, c'est dont on parle, c'est la foi, la persévérance, l'adoration, l'espérance dans la personne de Dieu. Un jour, on a demandé à Jésus, quelles sont les œuvres qu'on doit faire, que Dieu demande qu'on fasse. Et Jésus a dit, les œuvres que je vous demande de faire, l'œuvre que Dieu vous demande de faire, c'est de croire en moi. Les chrétiens ne sont pas reconnus parce qu'ils sont des gens parfaits. Oh non. Je lisais hier des articles sur Internet sur les évangéliques au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Les évangéliques n'ont pas une très bonne réputation, vous savez. Pas une bonne réputation. Parce que les évangéliques essaient de démontrer qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'ils ont une meilleure vie que les autres, et que Dieu est avec eux autres, puis à cause que Dieu est avec eux autres, mais ils sont prospères, puis ils sont en santé, puis c'est tout ça. Mais ce n'est pas la réalité. Quand je lis les Actes des Apôtres, puis que je lis la vie de Jésus et l'histoire de l'Église, l'Église a toujours été une Église à petit nombre, souvent battue, persécutée, rejetée. Et faire attention. Donc, ça va être c'est les noces. C'est les noces. Et c'est sûr et certain, à ces noces, mais au verset 9, il dit qu'il va y avoir un festin. Et ça va être un festin grandiose, merveilleux. Mes frères et sœurs, nous sommes la femme de Jésus-Christ. Nous sommes sa fiancée. Un peu comme Marie était la fiancée de Joseph. Nous sommes sa fiancée. Paul a dit, je vous ai fiancée comme une vierge pure à Jésus. On est sa fiancée. Et le temps des noces s'en vient. Ça devrait nous réjouir. Ça devrait être ça le sujet de joie. C'est pas toujours ça, malheureusement, mais ça devrait être toujours ça. On devrait se réjouir. Oui, ça va pas bien tout le temps. Oui, c'est difficile. Oui, des fois, je peux se persécuter. Oui, des fois, on me fuit. Oui, des fois, on me rejette. Je sais, des fois, qu'on désire pas être avec moi tout le temps, parce que je suis chrétien. Quand les gens sont viens avec moi, c'est parce que j'essaie de faire des choses comme ils font, de faire certaines activités avec eux autres. Et là, ils viennent avec moi. Ils veulent être avec moi. Mais dans les moments où je commence à parler de Jésus, dans les moments où je partage ma foi, j'essaie de les encourager à se repentir et à se tourner vers Jésus. Des fois, ils me rejettent. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours. C'est jamais amusant de se faire rejeter. Mais en même temps, on se réjouit. Parce qu'un jour, notre Dieu va juger la grande Babylone. Il va juger ceux qui nous condamnaient et nous haïssaient. Il va nous donner une belle robe blanche. Et on va aller aux noces. On va aller aux noces. Nos noces avec Jésus. Et nous allons nous joindre à la grande foule de façon littérale. Et nous allons crier avec eux autres. Alléluia à notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grandir dans la foi, semaine après semaine. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons passé ce temps ensemble dans l'étude de sa parole. Amen.